C'est Didier de Didier & Co, Radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans. Vous êtes artiste, chanteur, chanteuse, musicien. Vous souhaitez promouvoir votre album ou votre EP? Envoyez-moi votre titre MP3 ou web à dvprod45@gmail.com. Je répète, en petit bien sûr, dvprod45@gmail.com. Vous pourrez éventuellement venir en studio pour en parler, pour faire votre promo, pour une interview. Et c'est tous les jeudis de 14 à 17 heures. On se contacte, on prend rendez-vous et on se rencontre. Allez, à très bientôt. Didier & Co. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 MHz. Voilà, je crois que vous l'avez compris, nous sommes pas loin de la Saint-Patrick, c'était avant-hier, bien évidemment, et aujourd'hui nous allons parler un petit peu de l'Irlande, mais surtout d'un groupe que j'ai à cœur avec un invité qui est arrivé, qui est en place, et là il va pouvoir s'envoler avec moi, on va pouvoir prendre un petit peu l'avion, je t'invite à prendre ton billet, à t'installer dans la cabine VIP, et puis écoute, Stéphane, c'est parti. Please read your new text message. Les passagers pour le vol Arc-en-Ciel Orléans sont invités à se présenter à la porte d'embarquement du vol 96.2 FM. Départ imminent. Please read your new text message. Chers passagers, dernier appel pour le vol Didier & Co, porte d'embarquement 96, 2 FM. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Chères auditrices, chers auditeurs, chers passagers, bonjour. C'est Didier, votre pilote, qui vous parle. Bienvenue à bord du vol Alpha Echo Charlie 96.2, Radio Arc-en-Ciel Orléans. Il est presque 14h et vous embarquez pour le vol Didier & Co. Le rendez-vous qui ouvre les portes de tous les univers. Chaque jeudi, de 14 à 16h, je vous embarque à bord d'un vol découverte. 2 heures de talk show où l'on décortique les sujets les plus variés avec nos invités. En cabine, studio, VIP ou au bout du fil. Didier & Co,

sharp lights. Shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch train. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town. Didier Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 MHz. Bonjour monsieur. Bonjour. Salut Didier. Comment vas-tu? Très bien toi. Ça va avec ce soleil? Oui. Alors t'es venu, tu as pris ton jet depuis l'Écosse, depuis l'Irlande, depuis l'Angleterre, et tu as traversé un petit peu, tu es venu me rejoindre dans les studios d'Arc-en-Ciel. À peu près. À peu près, c'est à peu près ça. Donc t'es venu à pied, t'es venu de chez toi là-bas. Voilà, pile à l'heure en plus, impeccable. Toujours, c'est bien, c'est sympa. Donc, je vais vous présenter quand même. Il est grand, il va se présenter un petit peu tout seul. Donc c'est Stéphane, Stéphane Charras, mais plus connu dans la sphère orléanaise sous le pseudo de Chacha. Chacha, tu peux te présenter un petit peu, ce que tu fais, d'où tu viens, qui tu es. Eh ben, j'ai 50 ans, je suis musicien. À la base, je suis de Tours, je suis arrivé à Orléans il y a une quinzaine d'années. J'ai fait un projet musical qui s'appelait Boogers. C'est un projet solo. J'ai fait 4 albums. J'ai fait ça pendant 15 ans. J'ai été batteur dans des groupes aussi. Et puis aujourd'hui, je suis régisseur de local de répétition. Au 108, ouais, je crois qu'on se connaît là d'ailleurs. Un endroit qui s'appelle Polysonic. Polysonic, voilà, ouais. Et on s'est vu notamment hier soir. Exactement. Voilà, on a révisé un petit peu nos gammes, hein, on a préparé la tonalité de l'émission, et c'est justement en parlant de ça, et quand t'es venu nous écouter lors d'une nos répètes, où justement on répétait le morceau des Pogues, tu m'as rentré, t'as fait trinquer là, tu m'as regardé, t'es dit non, attendez, les inquiétez pas, c'est mes chouchous, j'adore les Pogues, et j'en connais un rayon. Alors j'étais dit, justement, ça tombe bien, Chacha. C'était un petit peu avant la Saint-Patrick. Je dis, c'est bientôt la Saint-Patrick. Et si t'es si doué que ça, je te tends un micro et je t'invite à Radio Arc-en-Ciel. Et voilà, tu es là. Ça s'est fait assez rapidement. Et tu vas nous parler aujourd'hui, non pas de la Saint-Patrick, non pas de l'Irlande, mais plus précisément des Pogues. Yes. Et avec des morceaux que tu m'as amenés sur une clé USB qui sont moins connus. Tu voulais pas faire le côté commercial, tu voulais plus faire le côté... C'est pas vraiment le côté commercial, c'est pour... l'idée, pour les gens, les Pogues, c'est un groupe celtique où on va entendre des flûtes, des tambours. Et moi, j'ai jamais entendu ça dans les Pogues. J'ai toujours entendu que du punk. D'accord. L'énergie... En fait, je suis surtout très fan de Sean McGowan, le chanteur, qu'on appelle les Dentés. Les Dentés, quand même. Ouais. De moins en moins dedans. Et pour cause. Des années. On en parlera hier soir. Voilà, je suis vraiment passionné par cette personne. C'est vers 12-13 ans. Je suis tombé sur un disque d'époque avec un copain et on s'est mis à écouter ça machinalement. Et je n'ai jamais eu l'impression d'écouter de la musique bretonne. Je n'écoute pas de musique bretonne. C'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais voilà, c'est l'énergie punk de Sean McGowan. Les morceaux que j'ai sélectionnés, c'est des morceaux qui sortent un petit peu de ce côté-là. J'ai pris les morceaux un peu plus pop. Parce que après faut voir aussi le rayonnement et l'historique des Pogues à travers les années. Bien sûr. Ils sont initiateurs un petit peu de cette vague de la world music au début des années 80, au moment où on sortait du punk et il y a eu cette espèce de mode dite de new wave. Et Sean McGowan a décidé de faire complètement l'inverse et de revenir dans la tradition et dans les chansons qu'il a entendues depuis qu'il était né. Il y a énormément dans le répertoire des Pogues d'inspiration de chansons traditionnelles. Où d'ailleurs Sean McGowan a souvent signé à son nom les chansons qui étaient pas à lui. Voilà. Et puis aussi là où je suis touché, c'est par la poésie de Monsieur McGowan qui, grâce aux mots, a fait des choses extraordinaires pour l'Irlande. Faut se rendre compte qu'au début des années 80, pour le monde monde entier, l'Irlande, c'était des gens bagarreurs. Il y avait l'IRA, il y avait l'IRA, les attentats. Voilà. Et Sean McGowan a su redonner ses lettres de noblesse à toute une nation. C'est quand même, c'est assez monstrueux ce qu'il a fait. À partir au milieu des années 80, on a commencé à avoir des bars irlandais un petit peu partout dans le monde. Ça vient directement de l'influence des Pogues sur la musique mondiale. Il y a un vrai rapport à ça. D'accord. C'est complètement incroyable comment ce gars a changé la donne. Puis quand il est décédé, il y a maintenant 2 ans. Novembre 2023. Exactement. Ouais. Un mois où on a beaucoup pleuré. Il a eu les clés de l'Irlande. Du moins, il y a tout le gouvernement irlandais qui l'a remercié pour tout ce qu'il a fait. Voilà. Donc c'est le pouvoir de cette personne et qui vient directement du punk. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ce groupe. Encore, c'est plus le côté punk que le côté tradi. Hein. Toi, tu les auscultes carrément, tu les enlèves carrément. Ouais, alors, après, j'aime bien l'idée de la musique traditionnelle. Moi, je suis fan de musique et plutôt, je vais pas dire que je suis sociologue, mais si je connais pas un type de musique, ça m'intéresse. Évidemment, et puis je suis allé chercher évidemment dans ces musiques gaéliques et celtiques, mais c'est la force de la voix de Sean McGowan, même chanson chantée par un Irlandais et McGowan, il a une petite magnétique qui n'est pas négligeable. Hein. C'est ça. Une petite velouté très. Ah, on a souvent l'impression. Un velouté, mais voilà, c'est. Alors le velouté, moi je dirais qu'il vomit un peu dans le micro de temps en temps. Ça peut lui arriver aussi. Mais ça a pu lui arriver. Il a son âme, Sean. Il a des espèces d'attaques. Quand il chante, il attaque, il y a des espèces de petits cris qui viennent, qui sont fantastiques. Et il y a un document avec les Dubliners où ils sont sur un plateau télé. Et là, on voit vraiment la confrontation de deux mondes. De deux mondes différents. Voilà. On va en parler un petit peu des Dubliners aussi dans la suite. Il y a les vieux Dubliners qui sont habillés comme les Irlandais. Et il y a McGowan qui est en survêt, qui est évidemment très saoul. Parce que c'est son image, mais c'était lui. Et voilà, ça l'empêchait pas d'avoir le talent qu'il a, qu'il a eu. Et c'en est même complètement incroyable d'être capable d'écrire autant de choses. Ouais, tout à fait. Parce que donc Sean McGowan est quasiment l'auteur-compositeur de 98% des chansons des Pogues. Souvent on a dit qu'il était poète et tout. Lui, il a toujours dit moi je suis auteur-compositeur. Ouais. Mais c'est vrai qu'en tant qu'auteur, c'est incroyable la force de ses mots. C'est vraiment. Voilà. Bon. Alors je sais que avant d'être les Pogues, il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres mouvements, dans d'autres mouvements par Sean, et notamment un petit morceau que tu as dû me dégoter de derrière les fagots. Bon, on dira, est-ce que tu peux dire le nom en français? Est-ce que tu peux le traduire, ce nom en français? Là, on parle du premier groupe de Sean McGowan. Voilà. En fait, faut savoir que Sean McGowan, donc, est né en Irlande, et après, avec sa mère, il est allé à Londres, et il s'est retrouvé à Londres à 14 ans, 15 ans, en pleine vague punk. Donc lui, il était fan des Sex Pistols et des Clash. Ouais, ça, on va parler. Donc le groupe s'appelle les Nipple Erectors. C'est un groupe qu'il a monté avec une jeune femme et un jeune homme. Et ce jeune homme, après, est parti faire Culture Club avec Boy George. Voilà, donc Nipple Erectors, on pourrait dire... Les mamelons. Rendre érectiles les mamelons, tétons. Quoi, c'est ça, ou les tétons. C'est ça. C'est tiré d'un disque, c'est une réédition qui a eu lieu il y a une dizaine d'années. C'est un super disque de punk. Et si vous connaissez un peu la voix de Sean McGowan, là, on la reconnaît tout de suite. Venus in... Je ne sais Brother. Pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Allez, c'est parti. So she goes walking so hard, looking up and down at every guy, fixing them with a me looking eye, a look that'll make her wild lay down and die. I don't know where she's going to. I don't know what she's gonna do. She isn't very cute. She's a innocent bummer boots. She's a innocent bummer boots. She's a innocent bummer boots. And probably going big boots. I don't know where she's going. She's an innocent for her boots. She's an innocent for her boots. She's an innocent for her boots. A bloody great big boots. She's an innocent for her boots. She's an innocent for her boots. She's an innocent for her boots. And now they're going to my ass. For innocent for her boots. Ah bah voilà quelque chose, ouais, on reconnaît bien la signature, sa, son identité vocale déjà, il avait déjà le timbre très très punk déjà, c'est ça. Il avait le groove très punk, et voilà, on le reconnaît bien, et c'était déjà dans, dans sa lignée de musique. Alors on parle des Pogues, c'est vrai que les Pogues c'est le côté que tout le monde connaît, mais je pense qu'il y a un petit peu de nébuleuse dans le côté des Pogues. Je crois que les Pogues au début ne se sont pas appelés les Pogues, on va en parler tout à l'heure. Je sais pas si je te mettrai une censure ou pas. Et en même temps, je pense que c'est dû à la rencontre avec une certaine personne. Alors, je vais pas tout dire parce que c'est toi l'invité. C'est vrai que j'ai beaucoup lu, je connais un petit peu les Pogues aussi. Mais c'est toi l'invité, donc c'est toi qui en parle. Il a rencontré cette certaine personne. Bah, dis-moi tout. Dis-nous tout. Ouais, c'est un gars avec qui il était dans la nébuleuse punk qui s'appelle Spider, qui est le flûtiste dans Stacy, Spider. Stacy, c'est dur à dire. C'est le flûtiste dans les Pogues. Lui, il a appris la flûte vraiment par rapport aux Pogues. Hein. Il joue quand même hyper bien, mais il a aussi cette dégaine bien punk. Ouais. Et quand on voit les deux sur scène, c'est bing-bing sur la tête, à un moment donné. Non ouais, ils font n'importe quoi. Ouais, ouais. Donc, pour que les auditeurs comprennent bien, quand on parle des Pogues, ils ont tout fait très alcoolisé et avec énormément de drogue. Ça, c'est ouais. C'est vraiment un truc qui est dingue dans les Pogues. Tout à l'heure, je proposerai une chanson interprétée par Spider, justement. Que je trouve fantastique, qui est une chanson pop très belle. Voilà, donc ils se sont rencontrés lors d'un concert des Ramones. Alors, concert mythique des Ramones en Angleterre au Roundhouse. C'est un concert où les Sex Pistols venaient à peine de se former, les Clash venaient à peine de se former. Et les Clash et les Sex Pistols ont escaladé la façade pour aller dans les loges des Ramones. Ah ouais. Voilà, en fait, à ce concert-là... Ça c'est du scoop, ça. C'est du scoop, c'est pas trop connu, ça. On le voit dans des reportages... Ouais. Un reportage de Julian Temple sur les Sex Pistols. Et d'ailleurs, Julian Temple a réalisé un reportage sur Shane McGowan. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Et donc, ce jour-là, le fait que les Ramones viennent en Angleterre en 77, tous les gens qui sont allés à ce concert-là ont monté un groupe ce jour-là. Ouais. C'est de la folie, en fait. Ouais. Et donc, il s'est fait... on va parler punk un petit peu. Il s'est fait démonter, alors. Oui, il y a une anecdote. Ah non, c'était avec... C'est un petit peu plus tard, avec les Clash, je crois, dans un concert des Clash. Un concert des Clash où, non, je crois que c'est un concert des Pistols, où, en fait, il y avait un journaliste du Daily Mirror qui était là. Pas Daily Mirror, Daily... je sais, un journal voilà, anglais. Un journaliste. Voilà. Et c'était pas un journaliste d'Arc-en-Ciel, ça. Et il y a un des gars du public qui s'est fait mordre l'oreille et il a été pris en photo par le journaliste du Daily et il s'avère que c'est Shane McGowan. Et la première fois qu'on parle des punks dans un journal en Angleterre, c'est la photo de Shane McGowan avec la gueule en sang. La photo, elle est folle. Et le journal, il titre Who Are Those Punks? Et donc voilà, déjà le gars était déjà, ouais, il était ambiance, déjà là. Ambiance. C'est ça. Et si vous cherchez des photos des Clash ou des Pistols, des premiers concerts à Londres, il y a toujours Shane McGowan devant, qui est jeune, qui est magnifique, qui a une tête de punk incroyable. Et il a fondé, alors je sais plus le nom, mais il a fait un fanzine, Shane McGowan, qui lui a permis de rencontrer pas mal de gens. D'accord. Un fanzine punk, évidemment. Bon, on fera des recherches, on va essayer de trouver ça. Un fanzine de Shane McGowan. Je te dis ça dans 3 minutes. Donc ils rencontrent le fameux Spider. Et, ils étaient où quand ils se sont rencontrés? Au Roundhouse, non c'est ouais, mais ils, ah, ouais, ils étaient dans les toilettes, évidemment. Ils avaient besoin d'évacuer petit peu l'alcool. Mais il y a ce truc d'époque où vraiment, il y a un côté, je dirais, un peu saleté. Il y a toujours des rencontres dans les toilettes, les gars sont toujours malades. C'est un petit peu, pas sordide, mais c'est un petit peu lugubre, c'est un petit peu dans c'est, la... C'est ça, c'est un peu sale, et en fait, aussi, ça a créé des choses magnifiques. Quand on dit, c'est avec le pire des... Quand ils se sont serrés la main, j'espère qu'ils se sont lévés les mains entre temps. Je sais pas. C'est toujours avec le pire des fumiers qu'on fait les plus belles roses. Pour moi, l'époque, c'est ça. On vient vraiment des bas-fonds pour faire quelque chose de... Bien souvent, c'est ça la musique. Hein. C'est ça. C'est la rencontre de gens qui ont vraiment vécu, qui ont été dans le dur ou qui sont dans le dur. C'est ça. Qui sortent un petit peu toute leur hargne. On le voit avec d'autres personnes, Amy Winehouse, bien plus tard et tout C'est ça. Ouais. C'est un petit peu tout ça et toute la beauté. Sans ceci dit, Mozart et tout ça, ils étaient pas tout seuls quand ils composaient. Hein. ceci dit en passant. Mais bon, si on revient dans nos années 80, 76, 80, on revient donc au moment des Pogues. Donc tu m'as dit qu'il s'est rencontré avec le flûtiste Stacy, oui. Et en même temps, ils n'avaient pas pris le nom des Pogues au départ. Hein. Ils avaient un autre groupe. C'est le même groupe en fait. Ils ont commencé à 3 ou 4. Donc le groupe s'appelait Pogue Mahone. C'est une expression irlandaise. Qui veut dire, je sais pas si je vais mettre le bible. Bon, qui veut dire les fesses. Hein, tous les fesses, le voilà, fesses, c'est ça. Voilà. Et puis après, il y a un album qui est sorti qui s'appelle Pogue Mahone. Ouais. C'est quand McGowan a commencé à être malade et arrivait plus à chanter, ils ont fait un album qui s'appelle Pogue Mahone. Ça c'est bien plus tard. Mais ce nom au départ, c'est l'Irlandais gaélique, c'est ça. Hein. Exactement. C'est ça. Hein. C'est du gaélique. Gaélique, oui. Bien sûr. Il faut que j'arrête la Guinness. Hein. ou alors que je m'y mette. voilà. Donc non, je suis sage quand je suis en studio, en radio. Très peu avant, ou même pas du tout, et voir après, on verra par la suite. Donc, ils se sont rencontrés, ils ont fait ce groupe. Alors, vas-y, on en discute un petit peu. Il y avait une jeune fille avec eux, j'ai oublié son nom. Une bassiste, ouais. Qui était la compagne de McGowan à l'époque. C'est là l'embrouille, alors. On va en parler tout à l'heure. Faut regarder les premiers lives des Pogues en 1985. Alors là, si vous voulez voir de la vraie énergie, c'est vraiment fou. Il y a déjà le batteur qui est là. J'ai oublié son nom. Ouais, ils étaient déjà 8 à cette époque-là, je crois. Ils étaient que 4. Ils étaient que 4. Et très vite, ils ont fait appel à un musicien qui venait directement des vrais groupes irlandais. Multi-instrumentiste qui joue de la... L'accordéon, je crois. Alors non, c'est pas lui, c'est plutôt le gars à la mandoline. À la mandoline, oui, voilà. Tout à fait. Ouais. Et qui au début était très réticent à aller dans cette histoire de punk moderne. C'est pas évident. Hein. Voilà, de redonner une nouvelle vie à cette musique qui est assez traditionnelle. Voilà. Ça te trouble la musique. Ça m'a troublé ce petit fond. Très vite, ils ont trouvé un engagement sur une maison de disques qui s'appelle Stiff Records. D'accord. Alors Stiff, c'est aussi un label emblématique du punk. Et c'est super qu'un label comme ça soit allé vers de la musique un petit peu traditionnelle. Voilà, mais quand on regarde les premiers lives donc de 1985, il y a une énergie, on dirait les Berruriers Noirs, en fait. C'est très violent. Ouais. Et même dans le public... Il y a beau avoir du biniou et tout ça, c'est des pogos de l'enfer, tout le monde est en sang. C'était un fanat des pogos aussi. Hein, Les pogos, nous on sait ce que c'est, mais est-ce que tu peux expliquer à l'auditeur ou l'auditrice qui savent pas ce que c'est exactement? Alors, le pogo, c'est la danse des punks au début, et le pogo à la base c'est un objet, c'est une espèce de grand stick où on saute. Où il y a une espèce de ressort, ouais, d'accord, où on ouais. saute, et en fait les punks ont reproduit ce mouvement-là, voilà. Et le but c'est de sauter bêtement. Voilà, et on le voit, je vais pas trop en parler, mais on le voit notamment avec une certaine chanson bien plus tard d'un animateur français, qu'est-ce qu'on est heureux dans cette boîte, quand les sardines, d'accord. Quand tu vois la chanson des sardines, le fameux Patrick Sébastien, et là il a pris ça, et tout le monde fait le pogo, et se met... non, Sardine. Ah, ouais. Non, je suis pas d'accord. C'est coupé. Non, t'as le droit. Ça a rien à voir avec le punk, hein. C'est parce que ça vient juste de me passer par la tête. Non, le pogo c'était beaucoup plus viril. J'ai beaucoup trop d'attachement au punk pour. Ouais, bien sûr. On efface, on rembobine, on revient à zéro. Il est mort de rire. Je sais plus quoi faire. Vite, docteur, s'il vous plaît, un petit peu d'oxygène. Donc il y a le premier album qui s'appelle Red Roses for Me. Vraiment, je vous conseille, c'est la genèse. C'est magnifique. Tout à fait, en 85. Il y a vraiment des tubes. Il est incroyable. Et puis alors, vous regarderez la pochette de ce disque. En fait, pendant la session photo, le batteur est arrivé en retard. Alors en fait, sur la pochette du disque, il y a une petite vignette où il y a une photo d'identité du batteur en bas à gauche. Je trouve ça complètement dingue. D'accord. Voilà, ils sont fous alliés. Mais excellent album. On peut retrouver dessus un morceau qui s'appelle Wax is Draggle, qui est une espèce d'hymne punk complètement incroyable, mais avec de l'accordéon, du biniou et du banjo. Voilà. Qu'est-ce qu'on va écouter, Didier? Eh ben, écoute, moi, je te propose d'écouter. Alors, tu sais, je suis très mauvais en anglais, alors je vais simplement vous laisser le temps d'écouter, puis vous y mettrez le titre, si vous le voulez. Dis-moi, on va parler de cette chanson, c'est quoi? Streams of Whiskey. Ah ouais, Streams of Whiskey. Donc, en général, les chansons parlent beaucoup d'alcool. Yes. Énormément. Et pareil, ça, c'est une inspiration d'un morceau traditionnel qui a été aussi joué par les Dubliners. Ok, eh ben écoute, c'est parti. Allons-y. Cette composition de deux morceaux, mais aussi une rencontre dans un studio, dans un sous-sol, avec un homme avec des lunettes, un chapeau, très connu dans le milieu de la musique anglaise et irlandaise, j'allais dire néerlandaise, non, c'est l'Irlande. Voilà, il y a eu une petite histoire d'amour, puis il y a eu une grosse querelle, je crois, qui a... Alors, donc tu parles de Elvis Costello, voilà, qui est le producteur du deuxième album qui s'appelle Rum Sodomy and the Lash. Donc voilà. Elvis Costello, musicien, il est américain, il a un studio. Voilà, et donc il a toujours été Elvis Costello, en plus de son succès et de son talent, Alors, je vous encourage à aller écouter les deux premiers albums d'Elvis Costello, c'est quand même assez magique. Et donc, il a un talent de producteur. Il a produit ça doit être en 79, le premier album des Specials. L'album complètement dingue. Voilà, Elvis Costello, dès qu'il a produit un disque, il a cartonné. Ouais. Voilà, donc l'album des Specials, c'est un. La patte. Voilà, ouais, alors moi je suis fan des Specials aussi, c'est un album où on a l'impression. Tu viendras nous en parler un jour. Voilà, avec plaisir. Sur le premier album des Specials, on a l'impression que chaque morceau a été enregistré dans un studio différent. D'accord. Il a une espèce de classe. Et après, donc, c'est lui qui s'est retrouvé à produire le deuxième album des Pogues, Rome, Sodomy and the Lash, où on peut retrouver Dirty Old Town, évidemment. Avec une pochette fantastique parodiant le naufrage du radeau de la Méduse. Oui, exact. Où on peut retrouver mon Sean McGowan toujours avec de moins en moins de dedans. Voilà, un album qui, dès sa sortie, a fait un carton mondial. On peut retrouver des morceaux. Donc là, on est complètement dans l'Irlande. Cet album, je l'écoute en boucle. Ça fait 30 ans que je l'écoute en boucle. Il doit être usé, les sillons doivent être bien creusés. Je crois que je l'ai acheté en cassette, je l'ai acheté plusieurs fois en vinyle, je l'ai acheté dans tous les formats possibles, imaginables. Il est dingue. Il y a un morceau qui s'appelle Sally McLennan, qui est pour moi un morceau pour vraiment faire la fête. Et de toute façon, à toutes les Saint-Patrick, cet album-là, il tourne en boucle. Voilà, c'est un album qui a rapporté énormément d'argent à ses producteurs. Voilà, et donc tu parlais, donc Sean McGowan avait donc monté son groupe avec son amoureuse de l'époque. Ils sont rentrés en studio, puis elle a croisé le regard de Elvis Costello. Ah, ça y est, c'était mort. Ils sont tombés amoureux. Sean McGowan se fait plaquer pendant l'enregistrement du disque. Ça s'est pas hyper bien passé. Ah. Et Je crois qu'il a dû prendre un ou deux verres, non? Déjà que ça allait pas. Et il existe un document, c'est Antoine Decaune dans le cadre des Enfants du Rock, exact. Qui va interviewer les Pogues et Elvis Costello. Ouais. Et alors, faut regarder ce document parce que quand Sean McGowan parle de Costello et inversement, on voit bien qu'il y a un petit problème. Ouais, ça va pas très bien. Voilà, mais bon, on est sorti quand même. Les histoires de cœur. Un truc complètement fou. Ouais, et d'ailleurs, je crois que la personne en question qui était entre les deux, je crois qu'elle a quitté le groupe, hein, il me semble. Ah oui, elle a quitté le groupe. Après, il y a un autre bassiste qui est arrivé, et c'est vrai que quand l'autre bassiste est arrivé, là, il y a une éclosion complètement forte. Ouais, parce que des fois, il suffit d'un bassiste, hein, des fois, il suffit de pas grand chose dans un groupe. C'est une histoire d'équilibre. C'est une histoire d'équilibre. Ça, on peut pas le gérer. Un petit peu en connaissance de cause. Tu imagines bien de qui je veux parler. et voilà, ça remet un petit peu tout en, et ça propulse les autres. Et alors, sur cet album-là, il y a une chanson que j'adore qui s'appelle Waltzing Matilda, qui dure 8 minutes. Ouais. Qui est aussi d'inspiration d'un morceau traditionnel qui raconte l'histoire d'un jeune. Qui se fait enrôler pour la guerre, où on lui promet que ça va bien se passer, et en fait il se fait amputer des deux jambes. Et il revient, et le leitmotiv de cette chanson, c'est d'écouter la chanson Waltzing Matilda. Alors cette chanson, on peut l'écouter pareil en boucle, c'est vraiment une folie. Donc voilà, un album de dingue, et il y a une réédition avec des inédits ou d'autres prises qui n'ont pas été gardées, mais ça, c'est intéressant d'écouter d'autres versions ou des démos. Il n'y a pas énormément d'inédits sur les Pogues. Récemment, il y a eu une réédition où on peut, si vous êtes fan, je vous conseille les sessions à la BBC. L'émission de John Peel. C'est d'ailleurs là où il y a eu à la BBC de ma lecture, sur leur premier nom, enfin sur leur nom complet du groupe, qui disait, mais à la fin, ils voulaient bien la passer à une condition, ils avaient peur pour leur audimat et tout ça, ouais, que le nom soit donné en entier. Donc c'est là qu'il y a un journaliste, je crois, ou présentateur qui a présenté juste The Pogues. Ah, c'est ça. Exactement. Et c'est ça, donc tu vois, ouais, je me suis pas planté. Et dès le début, la BBC a vraiment compris l'intérêt de cette musique. Et dès la première maquette, les Pogues étaient invités à faire des sessions à la BBC. Il en existe 7 ou 8. Et pareil, si vous êtes fan, c'est une autre interprétation des morceaux. Et, ouais, on fera un petit récap, tout ça, sur la page Didienko sur Facebook. Il est 14h39. Chers auditeurs, auditrices, on est en compagnie de Chacha, alias Stéphane Charas, qui est au 108, qui adore le son. Non, c'est dans le sens, c'est Stéphane le... Charas, alias Chacha. Ah oui, alias Chacha, Chacha, mais moi je te connais mais plus. Mais Chacha, ça suffira. Hein. Ouais, Chacha. Et voilà, on le retrouve un petit peu partout sur les dans les bons concerts à Orléanais, région. On se croise aussi de temps en temps au Zénith, hein, n'est-ce pas? Et puis, il ne se rappelle plus, mais si, si, on s'est croisé il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, voilà, c'est un incontournable de la musique orléanaise et du son notamment. D'ailleurs, il m'a fait un petit clin d'œil tout à l'heure. On en reparlera à la fin de l'émission sur le jingle, bien évidemment. Enfin, sur le jingle, sur la fresque que j'ai faite. Voilà, et on disait qu'entre parenthèses, derrière les frasques monstrueuses, alcoolisées de Sean, il avait un surnom qui était Sean Hooligan. Ah, Hooligan. Et avec son air de grand dadé, il était un amoureux de la littérature. Oui, complètement fan de poésie irlandaise. Voilà, et j'ai pu me renseigner comme quoi il lisait, il arrivait à lire jusqu'à 4 livres à la fois. Ouais. En même temps. Il se voit, parce que des fois il savait plus. Alors il avait aussi un autre problème, c'est qu'il savait plus où était le jour, la nuit, le matin, du soir. Ouais. Parce que bon, imbibé comme il l'était, il savait plus trop où il en était. Mais voilà. C'est ça qui est incroyable avec lui, c'est que malgré tout ça, il a un réalisme. Il est vraiment ancré dans le réalisme au niveau des paroles. Et il faut voir aussi son attitude dès qu'il se met à chanter sur scène. C'est comme si l'alcool ne faisait plus d'effet. Il y a vraiment un truc incroyable avec ça. Il rentre dans le truc. Bon, après, dans les années... à la fin des années 90 et 2000, ouais, alors il existe des concerts où vraiment il se fait virer de scène tellement il n'en met plus une dedans. Ouais. Bon, on en parlera plus tard, mais il a été remplacé par des gens illustres. Illustres. Ouais. D'ailleurs, ça a fait bouger pas mal de choses. Donc voilà, on sait que... Il a énormément fait, et je sais qu'un jour, quand ils étaient encore bien copains, Elvis Costello lui a lancé un défi. Il lui a lancé un défi en lui disant, écoute, t'écris sale, t'écris crade, tu écris punk, sur tes tripes, mais moi je te mets au défi de nous faire une chanson de Noël, et qui marche, qui fonctionne. Ça. Et je crois que, il a relevé le défi. Alors ça sera un morceau que j'écouterai qu'on écoutera dans la deuxième partie de l'émission, donc après 16h, hein, parce que là je voulais juste te concentrer sur les pogs. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots quand même? C'est Fairy Tale of New York qu'il a chanté avec Kirsty MacColl. Alors c'est une chanson, si là ça vous dit rien, si vous l'entendez, vous allez très vite comprendre que on la connaît tous. C'est une des chansons à Noël qui est la plus diffusée. C'est de la folie furieuse. Ouais, elle a été diffusée le jour de son enterrement. Et, c'est un emblème. La moitié des gens qui écoutent cette chanson savent pas que c'est les Donc, je l'annoncerai, elle sera dans la deuxième partie, donc après 16h, simplement pour vous laisser le maximum de temps avec de la musique irlandaise. Dans la deuxième partie, je parlerai un petit peu moins, je vous mettrai un petit peu plus de musique, simplement pour dire que cette chanteuse n'est autre que la fille du compositeur, auteur-compositeur de... Je sais pas. De Dirty Old Town. D'accord. Voilà. Okay. Son père avait composé cette chanson, donc Dirty Old Town, qui parle pas d'une ville irlandaise de Dublin ou quoi que ce soit. Non, c'est une ville qui s'appelle Salford, qui est dans la périphérie de Manchester. Et son père, qui était un révolutionnaire, qui était contre beaucoup de choses, qui était très proche des gens et tout ça, avait écrit cette chanson. Si vous connaissez un petit peu les paroles, il dépeint un petit peu tout ce qui est l'Irlande de cette époque, de cette vieille ville sale, d'où le titre. Et il l'a chanté, il l'a interprété d'une manière assez lente, pas blues, mais très, très, très... très très très lente. Et voilà, il a pas aimé que entre autres au départ que Sean la reprenne et il a, tu vois, on en apprend tous les jours même à Radio Arc-en-Ciel à 14h44, et voilà, il aimait pas, et d'ailleurs il se révoltait contre tout ce qui reprenait tout ce qui était irlandais pur et tout ça. Et quelques années plus tard, Sean a rencontré sa fille et il a chanté cette chanson. Alors la dureté de la vie, c'est que cette fille est décédée très vite. très vite d'un accident. Malheureux. Tous les accidents sont malheureux, mais là, c'était pire. Elle était en balade au Mexique. Elle était en plongée. Elle faisait de la plongée. Elle était avec ses enfants. Et dans la zone où normalement il ne doit pas y avoir de bateau, de hors-bord, il y a un hors-bord qui est arrivé. Il y avait ses fils qui étaient là, dont un de ses fils qu'elle a écarté pour le sauver. Et en le sauvant, elle s'est fait percuter par le hors-bord et elle est décédée. Donc Shane pendant un certain temps, n'a pas voulu rechanter cette chanson. C'est et ça. Quand elle a été rechantée, il y avait beaucoup. Il l'a rechantée avec une autre chanteuse, j'ai plus le nom. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce morceau qu'on écoutera. Il existe des remixes techno de cette chanson. Pour les puristes, ils vont pas aimer. Ah ouais, mais voilà, c'est ça. Voilà, mais c'est une chanson qui a plusieurs vies en fait. Bah il faut dépoussiérer de temps en temps. Il faut arriver à faire revivre certains morceaux. Bon, c'est vrai que les vrais puristes n'aiment pas, mais quand on veut faire vivre quelque chose, il y a plein de morceaux comme ça. Après qu'on reprend tous les titres d'un chanteur commercialement et tout ça, j'aime pas. Mais quand c'est juste un ou deux titres, sans dénaturer la structure, sans dénaturer l'idée de la chanson, de la refaire un petit peu différemment en New Generation, pourquoi pas. Alors pour vous donner une idée, sur YouTube, Fairy Tale of New York, c'est 107 millions de vues. Pardon ? C'est 107 millions de vues. Ah ouais. Voilà. Ouais. Et puis il y a d'autres. Chaque vidéo où c'est posté, elles sont toutes entre 5 millions et 10 millions. C'est monstrueux. C'est une réussite. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que les Pogs, avant d'être les Pogs et le nom entier des Pogs, ils avaient créé un groupe avec Spencer qui s'appelait The New Republican. Ok. Nouveau Républicain. Et bon, ça leur plaisait pas, voilà. Et donc c'est là qu'est venu c'était l'embryon des Pogs. Et c'est justement au niveau avec une rencontre avec, je crois, avec Van Morrison. Oui. Qu'ils ont commencé à tinter un petit peu, voilà. Et puis leur rencontre, bien sûr, on en parlait au début de l'émission avec les Dubliners qui sont sortis en 62, qui ont arrêté en 2012, donc une toute petite carrière. C'est un groupe de musique folk balade irlandaise originaire de Dublin. Et puis, je sais pas, il avait une passion pour un chanteur qui jouait, qui grattait, qui avait un harmonica aussi. Je sais pas si tu le sais. Pas. Eh ben, Bob Dylan. Ah oui, bien ouais, sûr. C'était un fanat de Bob Dylan, l'électron libre à la fois sensible et solide comme un rock. Et juste à un moment donné, après les Pogs, je crois qu'enfin, quand il y a eu une cassure, il a créé les Pop. Ça te dit quelque chose? Alors c'est Sean McGowan and the Pops. Ah ouais. Il y a trois albums. Alors il revient un peu à ses amours de punk. D'accord. C'est vraiment super. C'est les papes, hein, je crois, en français. Oui, bien sûr. Ça, ouais. Bien sûr. Album fou. Puis il y a un album, il est carrément en Christ sur la pochette. Ouais. Il est dans un état lamentable. Ah ouais, ouais. Parce que en fait, il a arrêté les Pogs parce qu'on lui a demandé d'arrêter les Pogs, parce qu'ils l'ont mettait plus une dedans. Il s'est fait virer, hein, tout simplement. Il a remonté son groupe et là, il était vraiment au plus mal. Il y a des vidéos de live au Japon où il y a son régisseur de scène qui lui demande de sortir parce que c'est plus possible. Il est blanc, ça va pas du tout. Et avec les membres de son groupe, il y a un document, ça se passe en Pologne, c'est en sortie de scène. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a fait la fête pendant 10 ans. Hein. Le gars est Il n'articule plus. Ouais. Et quand il chante, il n'y a plus rien qui sort. Là, vraiment. Ouais. Il chante Dirty Old Town et on entend. Ouais, il vomit sur scène, c'est ce que tu disais en tout début. Et puis il a un truc aussi, il a un tic, c'est que quand il rigole, Sean McGowan, il rigole comme ça, il fait. Et on dit, là, il y a un problème. Là, ouais, on a un problème de santé. Il est plus bon, voilà. Et ben écoute, si tu es d'accord, on va s'écouter Tuesday Morning. Voilà, alors, donc c'est un morceau qui est tiré d'un album assez pop. Alors, si, il y a un truc que je voulais dire, c'est qu'en fait, à la naissance en France des Inrecuptibles, moi j'étais fan des Inrecuptibles quand c'est arrivé fin des années 80. Il y a eu une interview de 17 pages de Sean McGowan et c'est là que j'ai compris. Et en fait, les gens du milieu de la pop ont pris un peu les Pogs. Il y a un album avec un boxeur qui s'appelle Peace and Love, où on se rapproche un petit peu du son des Smiths ou de choses comme ça. Et là, la chanson qu'on va écouter de Spider, où c'est Spider qui chante, est une chanson pop. Et voilà. Et donc c'est aussi pour quitter un petit peu ce côté celtique, même sur l'album If I Should Fall From Grace With God, très long titre, on a aussi ces choses-là, et dans la production, on peut retrouver aussi quelque chose de très pop, une production assez 80, avec des reverbs, ce qu'on appelle des plates pour les caisses claires. Les plates, c'est les effets La plate, c'est le nom d'une reverb. Oui, d'accord, c'est celle qu'utilisait Elvis Presley tout de suite. Alors non, c'est l'écho. D'accord, parce que tu vois, j'ai eu l'info comme quoi Elvis au départ tournait sur des plates. Non, plate c'est plus 80. Ok. Autant pour moi alors. Et donc c'est vraiment cette chanson de Spider, mais pour moi c'est vraiment une folie. J'ai toujours essayé de la reprendre et j'ai jamais réussi. Mais c'est un gros tube. Ok. Et côté son, je vais pas reprendre un sonorisateur sans problème. Eh ben allez, à toi monsieur. Radio Arc-en-Ciel, c'est Didier & Co avec Chacha en invité. On parle des Pogs et j'ai reçu un petit message de la part de Patrice que tu connais. Tu l'as vu hier soir, c'est le guitariste de Blues Tomahawk et il t'envoie, allez, je vais te le dire, il t'envoie des bisous. Super. Voilà, je tenais à le dire. C'est Patrick. Voilà, puis t'inquiète pas, Patrice, pour le Patrice. Son du. Pardon. Je dis Patrick. Et donc, t'inquiète pas pour le son, Chacha va retoucher ça, il y a pas de souci. Donc ben voilà, on en était donc avec The Pogues et Sean McGowan. Oui. Bah c'était super hein, cette chanson. Alors, ouais, donc là c'était fait. Spider qui chantait. Ouais, ça me fait presque penser à une chanson des Cure. Voilà, je trouve ça très intéressant ce côté-là. Donc on peut parler aussi du rayonnement que les Pogues ont eu, parce que ça a été donc vraiment un carton mondial. Et là, des tournées interminables ont commencé à partir. Ils ont joué vraiment partout. Et là, ça a commencé à fatiguer le groupe. McGowan n'arrivait plus trop à suivre. Il y a aussi. C'est en quelle année ça? De toute façon, à partir de 86, ils ne sont plus jamais arrêtés de tourner. Ouais. Ça a été tellement. À chaque fois qu'ils sortaient un disque, ça cartonnait. If I Should Fall from Grace with God. Vraiment très long, très compliqué à dire. Ça a été un carton mondial. Dessus, il y a le morceau Fiesta. Qui a été repris par Patrick Sébastien pour l'émission Carnaval. Oui, c'est celui qui a repris aussi. Enfin bref, voilà, sardines. Donc dingue. Non, mais c'est vraiment, ça a été un carton. Et là, McGowan a commencé à beaucoup prendre de LSD. Ouais. La légende raconte que pendant l'enregistrement de cet album, il en prenait entre 10 et 15 par jour. Ce qui explique le fait que ses dents deviennent des petits cure-dents. Ouais. Il faut regarder, taper Sean McGowan et chercher des images. On voit l'évolution de ses dents entre 85 et 90, et il y en a de moins en moins. Ça, c'est vraiment, c'est un gros problème. Et bon, malgré tout, ben, il a sorti des paroles incroyables et des mélodies folles. Et sur cet album-là aussi, on peut retrouver des genre le Turkish Song of the Damned, où là, on arrive dans un côté un tout petit peu plus oriental. Et en fait, là, on se rend vraiment compte de la palette de sons qu'ils peuvent avoir. Ils peuvent vraiment, vraiment tout interpréter juste avec un instrument bien connoté. On arrive dans une ambiance différente, et c'est en ça qu'ils sont vraiment très forts. Il y a même des instrumentaux sur les albums des Pogues qui sont fous. Ouais. Pourtant, au départ, les Pogues et notamment Sean, c'était pas des musiciens formés, c'était des autodidactes. Il y a des coups de magie, comme on dit. Spider, lui, a une formation de musicien. Et le gars, la mandoline aussi. Ouais, lui, il y a quand même deux, trois brutes de la musique celtique, mais c'est aussi la force du punk. C'est cette énergie qui vient d'on ne sait pas où. Ça n'empêche pas le travail. Voilà, mais... après, Sean, c'était surtout, pour ainsi dire, la voix. Et la voix, il faut pas l'oublier, c'est un instrument de musique. Donc ça se travaille aussi. Enfin, lui, il ne travaillait pas. Hein. Il n'avait pas le temps. Il ne faisait pas de vocalise. Après, il y a aussi un truc. Alors ça, c'est des choses qu'on n'en a pas parlé encore, mais il y a un film documentaire de 2020 de Julian Temple qui s'appelle Crock of Gold. Yes. Alors que... C'est un livre documentaire, je crois. C'est un film. C'est un film. Ouais. C'est une dinguerie. Là, vraiment, on nous explique tout. On nous explique qu'à 5 ans, les parents de Sean McGowan l'obligeaient à boire de la Guinness parce qu'ils trouvaient qu'il chantait mieux. À 5 ans, c'est quand même un petit peu... Bon, voilà. Sa tante, qui était un petit peu folle, catholique, intégriste, l'obligeait à boire du whisky pour lire des passages de la Bible. Donc là, on part déjà sur un truc assez... C'est dur, lourd. Hein. Les mamans, ne faites pas ça dans le biberon de vos enfants. Hein. Et donc après aussi, il a toujours chanté dans sa communauté. En fait, les parents le mettaient sur la table et ils l'obligeaient à chanter des chansons traditionnelles. Et la légende raconte que Lyra est née devant la maison où il est né. D'accord. Donc voilà, on est c'est vraiment... C'est une légende ou c'est... Dans le film, ils ont l'air de dire que c'est quand même assez vrai. Ouais. Voilà. Et puis c'est rigolo parce qu'en fait, on a toujours dit que les Pogues, c'est un groupe de Londres. Parce qu'ils se sont vraiment formés à Londres. Bien sûr. Et c'est pas un groupe irlandais, en fait, mais voilà, c'est un groupe londonien. Et donc, ce film de Julian Temple, qui est un documentariste rock, qui est super, qui a fait des trucs sur les Pistols, sur plein de groupes, le Velvet Underground, je crois aussi. C'est très, très complet. Et à la fin du film, il y a une rencontre entre Johnny Depp et Sean McGowan. Ah, ils sont fatigués, hein. C'est vraiment épuisant. C'est pas des suceurs de glaçons, les garçons. Non, on n'est pas là pour rigoler du tout. Et voilà, on apprend énormément de choses dans ce magnifique documentaire. Voilà, il est dit aussi que Bachan, quand il avait le meilleur endroit où il écrivait ses morceaux, c'était, jamais avec un verre d'eau à la main, mais souvent dans les pubs. Il s'inspirait beaucoup de la vie, de ce qu'il voyait. J'ai même entendu dire que parfois, en session de répète, il lui arrivait de partir, de pouvoir noter quelques notes ou de se relever comme... suivant le jour, la nuit, de se relever pour prendre des notes et d'aller s'enfermer un petit peu pour écrire une chanson, enfin quelques brides de chansons et la travailler après. Je sais pas si tu confirmes ou pas. Non, je savais pas ça. Pas. Mais c'est... Et le rapport au pub aussi, il y a pareil, toujours des interviews d'Antoine Decaune dans des pubs avec Sean McGowan. Aïe, aïe, aïe, c'est incroyable. Et puis, Decaune est toujours... Et c'est pas qu'un décor. Hein. Ah non, c'est non, pas, non. Je crois que c'est l'époque, enfin, sur le groupe, sur cette fameuse vidéo qui sont derrière, qui jouent au billard. Oui, c'est ça. Et c'est ça. C'est ils ça. Jouent au billard et ils sont morts de rire quand ils écoutent Sean qui... c'est ça, là, ouais. Et il y a aussi une version dans un pub de Dirty Old Town où oui. Il est très tard. Ouais, très tard. Très tard, l'ambiance est là. Ouais, mais on peut pas séparer l'époque de ça. Non, de toute façon, c'est toute l'idée, c'est le côté festif, le côté. Et c'est dommage que nous, en France, on n'ait pas cette culture. Aussi, on a des chanteurs alcooliques. Non, mais on a on en a quelques-uns. Ça se voit moins. Ou quelques-unes. Mais non, je veux dire cette culture musique. Je sais que j'ai ma frangine que je salue qui vient de m'envoyer un petit message qui nous écoute du fin fond. Je crois qu'elle doit être en voyage en Bretagne. Tu vois, elle est celtique aussi, elle aime bien le côté celte. Et elle me disait qu'elle a été, en Irlande. Elle m'a ramené quelques petits souvenirs. Voilà, j'ai par exemple World's Best for My Brothers. Tu vois, et elle me disait que là-haut, c'était vraiment dingue au niveau de la culture musicale, dans les rues, dans les statues, dans les pubs. C'est de la musique partout, c'est tout le temps. Et ça, on l'a pas vraiment en France. Alors, par contre, je pourrais rajouter que si on avait un équivalent de Sean McGowan en France, je parlerais du chanteur des Négresses Vertes, Elno, qui était... les Négresses Vertes, c'est un petit peu la même démarche que les Pogues. C'est prendre de la musique traditionnelle et de l'adapter. C'est arrivé après, bien sûr. C'est arrivé après, mais Elno était revendiqué fan des Pogues. Ouais, c'est une influence, quand même. Ouais, totalement. Ouais. Et en plus, Elno avait quasiment la tête et la dentition de Sean McGowan. Moi, c'est une personne qui m'a vraiment beaucoup touché. Ouais, mais Sean, il avait un regard qui tuait. Enfin, je veux dire, un sourire qui tuait. C'est ça. Mais comparer une photo de Elno des Négresses Vertes et de Sean McGowan, il y a un truc très intéressant à voir. Alors, donc, Elno, et quelqu'un qui jouait dans les Berruriers Noirs à la base, qui a exactement le même parcours que Sean McGowan, qui vient du punk pour arriver à quelque chose de plus clean et plus world aussi, parce que les Négresses Vertes, on n'est pas loin de la world music. Et il est mort d'overdose en 1991 ou 92. Ah, ouais. Voilà, moi, je suis très fan des Négresses Vertes aussi. Je me demande de quoi je suis pas fan. Mais de moi. enfin Didier, mais je vous aime, Didier. Non, voilà, non, c'était pour faire ce rapport, parce que, en fait, dans chaque pays, j'ai l'impression qu'il y a un Sean McGowan qui est arrivé. J'ai eu l'occasion de rencontrer le président du fan club des Pogues au Japon. Le président du fan club japonais des Pogues. C'était complètement incroyable. Et ils en sont fana là-bas aujourd'hui. Ils en sont fana malades. Ouais. Vraiment, à Tokyo, je suis allé dans un magasin dédié aux Pogues, où j'ai jamais vu autant de 10 des Pogues de ma vie. Puis bon, les Japonais sont quand ils aiment, ils y vont à fond. J'ai un membre de ma famille qui habite au Japon, à Fukuoka, au sud du Japon, et il m'a envoyé un message le jour en me disant tu fais un truc sur les Pogues sont adorés au Japon et même à l'heure actuelle. Ouais. C'est encore voilà, ça confirme ce que tu disais. Voilà, donc on a écouté ce morceau qui n'était pas de Sean. Je sais qu'il y a aussi leur guitariste qui a écrit Tranchon qui a écrit un petit peu aussi pour les Pogues. Tu savais pas, bah tu vas sortir ce soir, tu vas en savoir beaucoup plus sur les Pogues que tu n'en savais, et moi j'en sais encore beaucoup plus. Et de t'avoir à 15h03 dans les studios d'Arc-en-Ciel, c'est vraiment voir Chacha, une personne que j'estime beaucoup. Ce sera une bière d'ailleurs, ou autre chose. Je plaisante et effectivement tu apportes beaucoup sur la musique orléanaise et de ton savoir-faire et ton savoir-être lorsqu'on est en session dans les locaux là où tu bosses, où tu vas retourner tout à l'heure d'ailleurs. Merci. Mais dis-moi, Chacha, l'histoire, elle ne s'arrête pas que là. Elle s'arrête pas là, en fait. Ah oui, alors non, donc on a dit Shane s'est fait virer. Et donc, s'est fait virer. Comme il n'arrivait pas à assurer, ils se sont dit, on va prendre un chanteur charismatique. Donc, ils en ont profité pour embaucher Joe Strummer pour remplacer Shane McGowan. C'est un chanteur, ça, pas connu. Joe Strummer, chanteur des Clash. Évidemment, mon idole aussi. Et alors, il y a un fait qui est quand même incroyable. Faut regarder des lives d'époque avec Joe Strummer. C'est moins bien qu'avec Shane McGowan. Ah, ça n'a pas la même couleur. C'est pas pareil. C'est comme s'il perdait son charisme. Alors, il y a un live où il rechante London's Calling des Clash avec les Pogs. Alors là, j'adore. Ça marche. Mais alors, quand Joe Strummer, il chante ce que Shane McGowan chantait, moi, j'aime moins. Mais pourtant, Dieu sait si je suis fan de tout ce qu'il fait. Mais voilà. Donc, et puis les Pogs se sont séparés. Donc, il y a un retour. Alors je sais plus en quelle année ils se reforment. Alors c'est en 2001. Voilà. Et donc ils refont plein de tournées. Alors moi j'ai vu des lives, ça m'a pas rendu fou. Non. On sent que il est épuisé. Il fait ça parce qu'il est obligé de le faire, mais. Je sens qu'il y a un peu moins de cœur. Je crois qu'il y a un moment donné dans la vie qu'on fasse n'importe quoi quand on en fait pas trop, mais quand on en fait beaucoup, énormément, que ça se répète et tout ça, on arrive à avoir une certaine fatigue, une usure psychologique. Des fois, c'est pas l'envie de pas le faire, c'est qu'on peut plus parce que le corps, il était bien. Mais je veux dire, voilà, il y a aussi la tête, le mental qui fait que voilà, c'est la fatigue, puis on ressort plus dans tout groupe de musique tant qu'on a l'énergie, tant qu'on a la force, tant qu'on a le truc et qu'on a les poils, comme on dit, ça le fait. Après, on monte, mais il y a un moment donné où le souffler, il faut qui redescendent aussi, donc ça amène à certains clashs, et puis ça amène à certaines séparations, et divorces et retours, et voilà. Donc oui, je cherchais le nom du guitariste, c'est Phil Chevron, qui est décédé en 2013. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire encore sur les Pogs, parce qu'il nous reste plus d'une heure, enfin après quelques une heure. Je t'avais dit qu'il fallait que tu ramènes vraiment le pack de 12, hein. Pas grand chose à rajouter, mis à part ce rayonnement, ça marche toujours. Là, j'ai compris que les nouvelles générations, les gens de moins de 30 ans ne savent pas du tout qui sont les Pogs. C'est vrai. J'adore me faire découvrir des gens plus jeunes, ma passion pour cette personne. Je suis complètement habité par ça. Écoute, puisque tu es tant habité que ça, je vais te proposer de faire une petite escale musicale avec Turkish Song of the Damned. Yes, Damned. Damned. Je suis désolé, mon anglais et moi, c'est no perfect. Don't Turkish song at a time. Bien voilà, à 15h11, Didier & Co, on a le son, mais moi en plus de ça j'ai eu l'image et j'ai eu le plaisir de voir Chacha danser la gigue. Ah bah oui, une bonne gigue, ah, voilà. Une bonne gavotte, ouais. Ça c'est bon ça. N'est-ce pas, oui. N'est-ce pas, ouais. Voilà. Ben, on a été toujours donc avec les Pogues, avec Sean. Qu'est-ce que tu peux, il y a plein de choses à dire, mais là on vole sans filet là, on a plus rien préparé. Quand il est décédé, il a écrit une lettre où il a remercié les gens et les mots. Et ça, les mots. Ah ouais, il a remercié les mots. Ah ouais. Et ça, ça m'a fait beaucoup pleurer. C'est, bah grâce aux mots en fait, il a. Alors il y a aussi dans le premier album ou deuxième album, il parle de gens. C'est une chanson sur des gens de l'IRA qui ont été emprisonnés. Ouais. On peut rappeler vite fait ce que c'était que l'IRA, parce qu'il y a plein de jeunes qui nous écoutent et ils connaissent pas l'IRA. On va pas rentrer dans la politique. Je suis pas hyper spécialiste, mais il y a des protestants, l'IRA, des catholiques. Ni vous dire ce que ça voulait dire exactement, mais l'IRA, c'était la révolution. C'était des gens qui se révoltaient contre l'Angleterre en fait et qui voulaient leur indépendance, un petit peu comme l'a été la Corse. Ou voilà, et il y avait le problème entre les protestants et surtout, les catholiques. Voilà, tout à fait. Entre les protestants. Et donc il y a 10 personnes de l'IRA qui ont été emprisonnées par le gouvernement Thatcher. Et Sean McGowan a écrit une chanson et cette chanson a fait que ces gens ont été libérés. Là, on est quand même sur un gros niveau d'auteur. Ouais. Et ces chansons ont vraiment bouleversé la vie de plein de gens et ont changé ce que je racontais tout à l'heure, comment la mauvaise réputation de l'Irlande a changé grâce à cette personne. Bien sûr. Grâce à des chansons, qui est capable de changer ça? Je le trouve mythique là-dessus. La musique et les gens qui la portent, je veux dire. La musique, c'est ça, en fait, pour moi. C'est le fait de porter, de faire passer tout un tas de messages, de pouvoir regrouper les gens, de pouvoir fédérer lors des concerts, tout ça. L'énergie, le partage d'énergie. Et lui, croyez-moi que de l'énergie, il en avait. Et quand il est décédé, j'ai regardé toute sa cérémonie d'enterrement en entier. Alors, c'était poignant, hein, moi aussi j'ai pleuré. Quand on a Nick Cave à son enterrement, c'est qu'on a été bon. Je trouve ça la classe d'avoir Nick Cave à son enterrement avec un cercueil en osier. Bravo Monsieur McGowan, grande classe. Voilà. Et il faut dire que cet enterrement, c'était pas un enterrement, c'était plus festif dans l'ambiance de Shane que il y a mortuaire morbide comme on a, tout le monde pleure là. C'était vraiment poignant. Alors je sais plus si c'était une basilique ou une église, mais c'était blindé. C'était une basilique et c'était vraiment très poignant, et notamment la reprise du fameux morceau qu'il avait fait pour Noël, qui a relancé les ventes à x10, et c'était vraiment un des moments poignants de musique, parce que c'est vrai que mine de rien, moi j'ai découvert les Pogues pareil dans les années 80, je devais être à l'armée, 80, 81, et c'est là que je me suis remis à l'armo en fait. Alors les Pogues sont passés au Zig en 1985, il existe une photo, j'ai loupé ça. Et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Olivier, qui est bénévole à l'Astrolabe, qui y était Alors moi, quelqu'un qui a vu l'époque, je dis que ça m'en fout. Mais bon, je courais les filles, plus les filles à cette époque-là que la musique. Mais c'est vrai que les Pogues, pour ma part, bon, c'est pour ça que quand on l'interprète, pour moi, c'est toujours un hommage à Sean. Et quand il est décédé fin novembre, 21 ou 22 novembre, quelque chose comme ça, 2023, je faisais une soirée scène ouverte au Dropkick. Et avec les gars qui étaient là, on a joué Dirty Old Sound et... Voilà, on avait les poils parce que en chantant, j'avais quand même la gorge chérie comme je l'ai un petit peu en ce moment. Oui. Nous allons écouter Wax Is Dargle, c'est ça? Un extrait du premier album. Ouais, on peut le faire passer. Chanson très punk, très très punk. Tu peux nous en dire un petit peu plus? J'adore quand il hurle au milieu. Ouais. Et au début, ça part doucement, et puis quand ça part, c'est vraiment fou. On va lancer ça, là, on va le caler, et puis 3, 2, 1. C'est un live. C'est un live. Puis là, on sent bien le comment dire, le punk. Le punk. Ouais, le punk, le côté scène, enfin le côté scène dans les pubs, le côté chaleur, le côté humain, le côté de la vie, quoi. Je vous invite à aller voir les. Je vous laisse écouter un petit peu le son. Voilà, bon, on va le baisser tout doucement. Je vous invite à l'arrêter. Je vous invite à aller. Tu peux laisser en fond. Hein, ouais. Mais j'ai compris. Je vous invite à aller regarder des. Faut taper Pogues 1985-1986. Il y a des lives en Allemagne. C'est super. Ouais. C'est vraiment super. Là, on a le jus. On a vraiment le jus. Ils sont encore que 4 ou 5. Et pareil dans le public. Hein, on se croirait à un concert de métal. Hein. Les gens se font des pogos gigantesques. Je présume que le jus d'orange coule à flot. Ah bah ils y vont. Hein. Ouais. Voilà. C'est bien pour le commerce, c'est bien pour le côté lucratif aussi des bars, ça fait vivre les bars et tout à fait, non, je pense. Certainement. Je suis pas bistrotier. Non, mais la musique, elle est faite pour ça aussi. Elle est pas faite que pour être sur dans des podcasts ou sur des réseaux de streaming ou autre. Il faut la vivre aussi en groupe. Il faut la vivre en monde. Il faut bouger, pas uniquement que chez soi et avec un casque sur les oreilles. Aussi, voilà. Si, moi j'aime bien. Oui, aussi, bien sûr. Mais okay. C'est la live, c'est bien aussi. Très bien. La live. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Rien d'autre. Rien. On a fait un petit peu le tour sur les. On va écouter la musique des Pogues. Je t'ai préparé un petit. Tu me demandais s'il y avait un titre. Ouais, je crois que je l'ai calé. C'est Yeah. Ouais. Alors c'est un morceau qui est pas sur un album, qui a été fait pour une compilation, je crois, contre le cancer à l'époque. D'accord. Et c'est un morceau qui est vraiment inspiré de toute la vague Motown. C'est un morceau très, il s'appelle Yeye, c'est très Yeye quoi. C'est très 60s. Il existe un remix, il existe en maxi 45 tours. Je ne remercierai jamais assez notre vieux disquaire d'Orléans, Planète Claire, chez qui j'ai trouvé l'intégralité des maxi, des pogs. Et c'est quelque chose que je garde comme un trésor. Et donc il y a ce morceau qui s'appelle Yeah Yeah Yeah, et il y a une version longue ça doit dater de 1989, qui dure 8 à 9 minutes et que j'aime bien passer quand je fais le DJ. Ça, tu fais DJ aussi? Évidemment, bien sûr. Évidemment. Je rappelle que l'invité c'est Chacha et que c'est un aficionados de la musique orléanaise, bien connu à l'Astrolabe et bien connu en même temps sur la région d'Orléans et notamment Polysonic le 108. Chacha, un grand plaisir de t'avoir dans les studios. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des Pogues. Et ben on va continuer. Alors je pense pas avoir mis le bon morceau. Voilà, je vais en caler un autre. Alors c'est un morceau qui sort vraiment du répertoire des Pogues. Voilà, hein, non, je vais pas être celui que tu m'as. Et c'est pour ça que ça m'intéresse aussi, parce que bon, le côté celtique, c'est bien, mais j'aime bien quand les groupes vont explorer ailleurs, d'autres contrées. Voilà, ok, tout à fait. Eh bien, écoute, avant de clore cette émission sur les Pogues, ce live, je te le dédicace directement. Yeah. là voilà, juste avant de libérer Chacha pour qu'il retourne, bah, il faut qu'il aille travailler, donc il faut qu'il ait le temps de rentrer et de se préparer pour prendre son travail, donc on va le libérer un petit peu plus tôt aujourd'hui. Voilà, j'ai quelques petites annonces à faire passer, et puis juste je terminerai avec, pour moi, un des meilleurs... Enfin, pas un des meilleurs, mais un des morceaux que j'adore des Pogues. Je le calerai tout à l'heure. Voilà, je voulais simplement dire que j'ai eu l'occasion de rencontrer Thierry Scholl, qui est un photographe d'Orléans, qui est en expo à Châteaudun. Et là, il sera en expo à partir de demain à Saint-Jean-de-la-Ruelle, donc à l'hôtel de ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle, à partir de 17h30 pour l'inauguration. J'ai aussi eu hier Jean-Guy, qui a été mon tout premier invité, Jean-Guy Bray, qui est une personne qui est lourdement handicapée, qui nous a parlé du handicap, qui est revenu à la radio, enfin par téléphone, ce qui est dans le 85, nous parlait de la Citizen Band, qui connaît bien. Et là, bah, il vient de m'annoncer qu'il sort son livre incessamment sous peu, qui s'appelle « Handicap ou pas cap ». Voilà, il est préfacé par Olivier Lejeune, l'artiste voilà, bien connu, et il est en précommande. Je mettrai l'adresse sur ma page Didier & Co. Je voulais aussi remercier ma frangine qui avait répondu présent pour nous parler de l'analyse des rêves sur la troisième émission. C'était au mois de novembre, au début décembre, dans mes toutes premières heures d'animateur, et elle a sorti aussi son livre que l'on peut retrouver, donc l'analyse des rêves par Sylvie cher, et on peut le retrouver dans toutes les bonnes boulangeries de l'internet. Voilà, le 28 novembre, bah, ça sera un petit coucou blues rock Mavrica numéro 17. Ça sera un morceau, un double concert exceptionnel, je vous le promets. Voilà, avec plein de nouveautés sur le Mavrica 17 à l'espace Bérère. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas quoi. Eh ben, réfléchissez un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Simplement, n'oubliez pas, eh ben, que demain, arc-en-ciel, et pendant un peu plus d'une semaine, nous sommes à Comet, nous avons un stand, et on vous attend nombreux, on fera quelques émissions en live, donc c'est à partir de demain, en début d'après-midi, je crois, l'inauguration, j'ai plus trop les horaires. C'est dans le cadre de quoi? Pardon? S'il y a quoi? Ah, pardon, oui, très bonne question. Eh ben, c'est pas la journée, c'est les invités, c'est le Portugal, et comme arc-en-ciel est une radio à consonance portugaise, on a eu le plaisir d'être invité à Comet et de partager. Et alors, la situation géographique à Comet, j'ai pas le plan sous les yeux, mais on sera à côté de là où il y a toutes les animations folklore et tout ça, du stand expo du Portugal. Ça va être vers l'allée E ou quelque chose comme ça de mémoire. Voilà. Eh bien, écoute, pour nous quitter, Chacha, je te remercie vraiment d'être venu à Arc-en-Ciel. Tu as quelque chose à rajouter? Non, c'était super. C'est trop bien. Voilà. Moi, j'aime bien te voir danser d'ailleurs. Je te vois pas souvent danser, mais j'aime bien te voir danser. C'est dommage, j'ai pas eu le temps de dégainer l'appareil photo. Mais bon, ça a été si rapide et si furtif. Mais voilà, tu l'as fait. Et bien voilà, ben pour te quitter, je t'envoie un morceau que tu n'avais pas mis sur la liste. Mais je pense que tu vas le reconnaître assez rapidement. Et pour moi, c'est un très bon morceau des Pogues. I've been loving you a long time. Down all the years, down all the days. And I've cried for all your troubles. Smile, it's your funny little ways. We watched our friends grow up together, and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, some of them fell into hell. I took shelter from a shower, stepping to your arms on a rainy night.

the carriages are rolling, and the nurse take the light in the hurley and the bowling, but I take the light in the juice of the barley, and courting pretty fair maids in the morning, bright and early, ushering them to the land. Wake for the daddy, oh, wake for the daddy, oh, there's whiskey in the jar. If anyone can aid me, 'tis me brother in the army. I can find a station in Cork or in Killarney, and if he'll go with me, we'll go roaming in Kilkenny, and I'm sure he'll treat me better than the only sporting Jimmy. Washering the doodle-da, wipe all the daddy-o, wipe all the daddy-o, there's whiskey in the jar. Washering the doodle-da, wipe all the daddy-o, wipe all the daddy-o, there's whiskey in the jar. Hey, what a better order for the singers here. Thank you. I've been a wild rover for many a year, and I've spent all my money on whiskey and beer. But now I'm returning with gold in great store, and I swear I will play the wild rover no more. And it's no name never, no name never no more will I play the wild rover, no never no more. I went into an ale house that I used to frequent, and I told the landlady me money was spent. I asked her for credit, but she answered me nay. Such a custom as yours I can get any day. And it's no name never, no name never no more will I play the wild rover, no never no more. Then I took from my pocket a handful of gold, and on the round table it glittered and rolled. Well, the landlady smiled as she served me the best. What I told you before, sure, it was only in jest. And it's no name never, no name never no more will I play the wild rover, no never. Go back to my parents, confess what I've done, and I'll ask them to pardon their prodigal son. And when they forgive me, as of times before, then I swear I will play the wild rover no more. And it's no name never, no name never no more will I play the wild rover, no never no more. And it's no name never, no name never no more will I play the wild rover, no never no more. Thank you. that e'er I had. I spent it in good company, and all the harm I've ever done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit, to memory now I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be to you all. So fill to me the parting glass and drink a health whate'er befalls. Then gently rise and softly call. Good night and joy be to you all. Of all the comrades that e'er I had, they're sorry for my going away. And all the sweethearts that e'er I had, they'd wish me one more day to stay. As they fell, heaven. Some of them fell into hell. I took shelter from a shower, and I stepped into your arms on a rainy night in Soho. The wind was whistling all its charms. I sang it while my sorrow. In the morning, the ginger lady by my bed, covered in a cloak of silence, I'd hear you talking in my head. I'm not singing for a future. Of the past, I'm not talking of the first time. I never think about the last. Now the song is nearly over. We may never find out what it means. Association Hypnotise avec 3Z. J'écoute Didier Enco, Radio Arc-en-Ciel sur 96.2 Orléans et ça me donne la pêche. 23h54, Radio Arc-en-Ciel, 96.2. On n'est pas bien là, avec Didier & Co et cette musique celtique spéciale, un petit peu Saint-Patrick, en remerciant Chacha, alias, j'aime bien dire Chacha, alias Stéphane, ou Stéphane alias Chacha, comme il veut, voilà, il a quitté les studios, il nous a raconté un petit peu l'histoire des Pogues, Chad McGowan notamment, et on a appris pas mal de choses, et là on continue donc dans la lignée des chants et des musiques historiques. Alors il y a eu Yes Dubliner, j'ai passé deux fois le même titre, une fois à la fin de Chacha pour lui faire un petit au revoir, parce qu'il voulait l'écouter, et puis là, dans ce que j'avais préparé aussi. Donc voilà, et là on va continuer. Simplement, n'oublions pas de, si vous avez deux petites minutes, de venir voir Monsieur Thierry Scheul en expo à Saint-Jean-de-la-Ruelle, en inauguration demain 17h30 à l'Hôtel de Ville. Thierry était dans nos studios il y a quelques temps, c'était la 12e émission. Il nous parlait de sa passion de photos et notamment de ses photos de stars qu'il a présentées à Châteaudun. Et là, il sera donc précisément à Saint-Jean-de-la-Ruelle à partir de demain soir. 17h30. On a la sortie du livre donc par notre tout premier invité de l'émission Didier & Co, mon ami Jean-Guy qui est handicapé, qui nous parlait du handicap au quotidien. Donc il vient de sortir un livre, enfin il est en train de le sortir, pardon. Son titre c'est Handicap ou pas cap, avec une super couverture, une préface faite par Olivier Lejeune, très connu aussi, et il est en précommande. Son adresse, l'adresse pour la précommande sera sur ma page Didier & Co incessamment sous peu. J'ai eu le plaisir d'avoir tout à l'heure en contact ma frangine qui est en balade du côté, ça tombe bien avec le côté celte, elle est en balade du côté de la Bretagne, je sais pas trop où elle se trouve, mais je sais qu'elle a sorti son livre dernièrement qui s'appelle Analyse des rêves. C'était ma troisième invité, donc c'était fin novembre, début décembre. Et donc elle vient de sortir son livre Analyse des rêves qui est en vente sur toutes les bonnes boulangeries du net. Le 28 novembre, Mavrika Live 17, exceptionnel, blues rock. Et là je vous prépare et on vous concocte un petit rendez-vous bien sympathique avec deux groupes, et je vous prie de croire, ça va décoiffer. Et n'oubliez pas, à partir de demain, vous pouvez retrouver toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel 96.2 en live au Parc des Expositions d'Orléans, Comet. Nous serons à côté du pôle spécial Portugal, puisque c'est l'année du Portugal. Nous y serons bien évidemment présents. Il y aura quelques micro-stands, micro-trottoirs, ou je sais pas trop comment on va l'appeler. Voilà, j'aurai l'honneur d'y être assez souvent, de pouvoir faire mon émission, d'assister mon ami donc Albino Mavrika. N'oubliez pas, c'est demain, Mavrika, en live depuis le stand Arc-en-Ciel au Parc des Expos. On se donne tous, alors mais toutes et tous, rendez-vous là-haut. Bien sûr, les auditeurs qui sont à côté. Pour les autres, ça sera sur le streaming Arc-en-Ciel, bien sûr, sur le site. Et en attendant, on continue en musique irlandaise. Let's go. I wish I had you in Carrickfergus, only four nights in Ballygran. I would swim over the deepest ocean, the deepest ocean, to be by your side. But the sea is wide, and I can't swim over, and neither over to my love and die. My childhood days bring back sad reflections to happy times spent so long ago. My boyhood friends and my own relations have all passed on like the melting snow. But I'll spend my days in endless roaming. Soft as the grass, and my bed is free. Oh, to be home now. Yeah. It is reported on marble stones as black as ink, with gold and silver I did support her. But I'll sing no more till I get a drink. I'm drunk today and I'm really sober. A handsome rover from town to town. Oh, but I am sick in my days are numbered. So come all ye young men and lay me down. Il est 16h02, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Nous sommes sur la ville d'Orléans et c'est Didier & Co, spécial un petit peu clin d'œil Saint-Patrick. Silent now, but the ghosts still haunt the waves, and the torch lights up a famished man who fortune could not save. Did you work upon the railroads? Did you rid the streets of crime? Were your dollars from the White House? Were they from the five and dime? And the dust will make you cry. Did you count the months and years, or did your teardrops quickly dry? And all the things was not to be on a coffin ship. I came here and I never even got so far that they could change my name. Thousands of sails inside. slept hand in hand on Broadway, like the first man on the moon. And a blackbird broke the silence as you whistled, it's so sweet. And then Brendan Behan's footsteps, I danced up and down the street. And we said goodnight to Broadway, giving it our best regards. Set our hearts to Mr. Cohen, dear old Times Square's favorite bird. Then we raised a glass to JFK and a dozen more besides. When I got back to my empty room, I suppose I must have cried. Thousands of sailing again across the ocean, where hand of opportunity, just tickets. Vous l'avez reconnu, c'était Monsieur Sean McGowan avec The Pogues. Bien évidemment, on n'allait pas se quitter, c'est pas tout à fait l'heure. Ça va pas tarder, mais c'est pas tout à fait l'heure. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, il est 16h08. Didier Co. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2, MHz. Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive. So were her father and mother before, and they both wheel their barrows through streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive, alive, oh, died of a fever, and no one could save her, and that was the end of sweet Molly Malone. And her ghost wheels her barrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels. Ah, que dire de ce morceau, Moline Malone, adorable, adorable chant, vraiment adorable. Et maintenant, on va passer sur The Irish Rover, The Dubliner and The Pogues. We set sail from the street called the Cork. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. 'Twas a wonderful craft, she was rigged for the naft, and know-how the wild wind over. She stood several blasts, she had 27 masts, and they called her the Irish Rover. So the best lawyer writes, we had 2 million barrels of beer. We had 3 million barrels of all nanny goat's tails. We had 4 million barrels of stone. We had 5 million dogs, 6 million hogs, 7 million barrels of birds. We had 8 million eyes of all blind horses' hides. And all that the Irish Rover. There was our Mickey Coach, who played hard on his flute, and the ladies lined up for a set. He went tootle with skill for each sparkling quadrille, till the dancers were flutered and met. With his spark, when he talked, he was cock on the walk, and he rolled a day thunder and over. They all knew at a glance when he took up his stance, and he sailed in the Irish Rover. Ah, the Irish Rover. C'était un pari, un défi par Elvis Costello. On en parlait dans la première partie. Elvis Costello, qui est auteur, compositeur, interprète et qui était aussi musicien et producteur en même temps, qui a produit souvent, enfin de temps en temps, avant qu'il y ait un petit peu ce gouffrage entre, pour une histoire d'amour, entre sa bassiste, enfin la bassiste des Pogues, la copine H&M, à lui-même, à l'histoire d'amour en général se finissent mal. Mais bon, voilà, en attendant, le défi a été relevé. Et le chant a été produit par un fanat, un punk vraiment jusqu'au bout des os, qui était souvent, comme on l'a dit, alcoolisé. Mais là, il a produit un morceau qui est vraiment magnifique et qui a été reproduit lors de son enterrement dans la basilique ou l'église, je ne sais plus trop. Voilà, c'est un hommage à cette personne qui est décédée à voix féminine pour, comment dirais-je, sauver son fils lors d'une balade au Mexique et d'une baignade en plongée. Et voilà, elle a été heurtée par un hors-bord et elle en est décédée en sauvant son fils. Un petit hommage pour clôturer cette journée spéciale Saint-Patrick et spéciale Pogues à monsieur Sean McGowan et tous les amoureux des Pogues, de la musique irlandaise, à tous mes amis, merci. Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, when all our dreams come true. They got cars big as bars, they got rivers of gold, but the wind goes right through you, it's no place for the old. When you first took my hand on a cold Christmas Eve, you promised me Broadway. Pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the junk we were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the Amboy, Billy Coyle was singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day. Dripping that bed. You scumbag, you maggot, cheap, cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're all so great, God, it's our love. The boys of the NYPD chorus still singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day. I could have been someone. With me, babe, I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys of the NYPD chorus are singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day. 16h21, Radio Arc-en-Ciel, il est l'heure de nous quitter. Je vous remercie pour ces moments de partage entre l'Irlande et la France. Saint-Patrick, Chacha, Les Pogues, Sean McGowan et place à RDP Radio Portugal. À très bientôt à la Foire Expo à partir de demain. Comète. Se der para pôr a 200, coloquem a 200. Se der para pôr 250, coloquem a 250. Porquê? Para haver um choque de temperatura. Porque nós não queremos... Rápido, não são